Le chemin du bonheur par Edmond Cosse. L'ombre des grands arbres plaquée de découpures noirâtres le sol cendré du boulevard Heurteloup. Les touches de lumière qui filtraient à travers les branches sertissaient en dureté les contours. Pas un souffle d'air. 10 heures du matin seulement et déjà s'abattait sur la ville l'implacable chaleur des étés de Touraine qui anéantit l'être dans la sensation d'une invincible torpeur. Mais Roger Bressan, lui, marchait d'un pas triomphal sur le chemin du bonheur. Dès l'aube, alors que le soleil illuminait encore à peine sa villa et son jardin de Saint-Cyr, tandis que les oiseaux jetaient leurs premières notes d'éveil, un fait extraordinaire s'était produit. Il avait pris une résolution ferme, lui, le plus irrésolu des hommes. Il irait trouver son vieil ami le docteur Masseret dans la matinée et lui demanderait la main de sa nièce Marie-Ange. Depuis un an, il la voyait au moins 3 fois par semaine, s'étant proposé pour faire un mort au whist trihebdomadaire du docteur. Roger haïssait les cartes, mais il aimait Marie-Ange. Il s'était épris d'elle lentement, tranquillement, en continuant à jouir de la plénitude de son bon sens et de sa raison. Il ne croyait ni aux coups de foudre, ni aux âmes sœurs, pas plus qu'il ne croyait aux sorciers et aux maléfices. Il avait étudié le caractère de Mademoiselle Masseret, et ce caractère sympathisait en toute chose avec le sien. Puis il se savait aimé. Oh, c'était bien simple. Marie-Ange avait 22 ans, elle refusait tous les partis, manifestait l'horreur du célibat, et l'accueillait chaque fois avec une grâce exquise, bien que sa venue fût le signal du whist aboré. Puis elle prenait intérêt au sujet qui lui tenait le plus à cœur. Depuis qu'il avait quitté le coteau de Saint-Cyr, Roger hâtait le pas, tout au long du pont de pierre et de la rue Royale, malmenant un léger commencement d'embonpoint qu'il allait enrayer avec énergie. Il se dépeignait d'avance la scène qui se passerait dans la coquette maison de La Faye, où habitaient le docteur et sa nièce. Il se voit devant la porte, troublé, ému, hésitant. Oh, hésitant pour la dernière fois. Enfin, il tire la sonnette. En attendant qu'on lui ouvre la porte, il lève les yeux vers une fenêtre du premier étage. Une main légère écarte le rideau. Un joli visage, le délicieux visage de Marie-Ange, apparaît et disparaît aussitôt. La porte s'ouvre, Bressan est introduit dans le petit salon qui précède le cabinet du docteur. Quelle attente! Il y a là des malades, naturellement. À tout hasard, Roger suppose un vieux monsieur bronchitique et maniaque, regardant alternativement la pendule et sa montre. Une jeune fille nerveuse, qui bat la mesure avec son pied. Un joli pied, ma foi, mais moins cambré que celui de Marie-Ange. 2 ou 3 enfants qui ont peur et qui crient pour s'en aller. Roger s'est complu à imaginer ce réalisme des faits comme si, en reculant le moment psychologique, il le rendait plus savoureux encore. Enfin, le vieux monsieur maniaque, la jeune personne agitée et les enfants grincheux sont expédiés. C'est le tour de Roger, que Masseret accueille par des exclamations de surprise. « Eh bien quoi, vous, malade, depuis hier soir ?» Et après avoir gagné haut la main 3 parties de whist, ce triomphe inusité a-t-il troublé votre digestion? Le bon docteur saisit amicalement son commensal par les 2 épaules et le secoue comme s'il voulait activer l'émission de la voix, car Roger est frappé de mutisme. Enfin, il prononce quelques paroles et aussitôt, l'oncle de Marie-Ange diagnostique la gravité du cas, d'autant plus aisément qu'il avait d'avance quelques soupçons basés sur cette singulière coïncidence que sa nièce et son amie éprouvaient pour le whist une égale horreur et que ni l'un ni l'autre n'acceptaient de remplaçant. Avec un égoïsme féroce, il avait tiré bénéfice du seul moyen que les pauvres amoureux avaient de se rencontrer souvent. Maintenant, Roger, dans la réalité des faits, n'est plus qu'à 5 minutes de la maison du docteur. Il s'assied sur un banc pour prolonger le songe d'une matinée d'été. Durant 7 minutes de repos, le songe continue. Masseret a passé son bras sous celui de son futur neveu et l'a emmené dans le petit boudoir qui est le domaine exclusif de sa nièce. 2 minutes plus tard, Roger est assis près de Marie-Ange. Il tient la main de la jeune fille dans la sienne, ils se disent des choses douces que l'on n'échange point à travers une table de whist, même devant l'oncle le plus débonnaire. Elle est si sûre d'être aimée, Marie-Ange, si confiante dans leur avenir. Elle a attendu avec tranquillité que Roger parlât, et la voici toute prête à partager sa vie, ses affections. Elle sera la sœur de Jacques, son petit frère. À ce point précis du songe, au moment où Bressan va le rompre pour entrer décidément dans la réalité, il entend derrière lui une rumeur vague, et c'est dans la brusquerie de l'éveil soudain qu'il aperçoit que la somnolence le gagnait. Une voix connue, familière, mais qui lui semble en cet instant rauque et désagréable, retentit à côté de lui. « Je cours après monsieur. Monsieur avait oublié de regarder dans la boîte à l'heure du courrier. Il y avait une lettre de monsieur Jacques. » Quel ton d'inexprimable reproche, mais il s'accentue encore. Et monsieur a dit à Clara qu'il ne rentrerait probablement que tard dans la journée. Tard, oh, certainement. Après le déjeuner de fiançailles improvisé, il comptait bien passer son après-midi à La Faille. Mais soudain, le remords jaillit. Roger avait oublié que les lettres de Jacques arrivaient toujours le matin. Il était parti sans attendre le coup de sonnette du facteur et Blaise, le vieux domestique, pour voir plutôt des nouvelles de M. Jacques, arrivait tout haletant, forçant ses jambes alourdies au pas accéléré, et tout heureux, il présentait la lettre. Du reste du courrier, il n'avait cure. Roger avait l'habitude, et tant d'autres font comme lui, de tourner et de retourner une enveloppe avant de l'ouvrir, d'examiner les timbres, d'étudier l'écriture, non qu'il fût graphologue, mais parce que d'avance, d'après la netteté des délices et l'épaisseur des plaints, il préjugeait de l'état de santé de son petit frère, au cas fréquent où celui-ci omettait de répondre aux questionnaires méticuleusement posés sur son état physiologique. Ces minuties, qui retardaient sa joie pour lui donner plus d'intensité, étaient la double manifestation de son caractère hésitant et de la sensibilité un peu désuète de sa nature, restée à l'écart des contacts courants. Blaise, s'il n'eût été un si correct serviteur, eût piaffé d'impatience, mais il se contenait, guettant l'enveloppe avec la mine anxieuse d'un chat devant la jatte de lait qu'on lui prépare. Habituellement, monsieur lisait tout haut quelques bribes de phrases. Aujourd'hui, monsieur s'absorbait toujours de plus en plus, de page en page, et finalement demeurait les yeux fixés rivés sur la dernière. Jamais Blaise ne lui avait vu cette physionomie-là, si bouleversée et si immobile à la fois. Monsieur Jacques n'était pourtant pas malade puisqu'il avait rempli 8 grandes pages. Tout à coup, Roger leva les yeux. « Que fais-tu là, à me regarder ?» demanda-t-il brusquement. C'était la première fois de sa vie qu'il avait parlé sur ce ton à Blaise. Celui-ci articula tout saisi. « Je voulais savoir comment allait Monsieur Jacques. Il va très bien. » La voix était plus brève encore. Il se passait quelque chose. Blaise devina qu'il ne la prendrait pas en ce moment, et s'éloigna à pas lents, le cœur très gros. Roger demeurait à la même place, figé dans un état de paralysie mentale qui maintenait le corps inerte. Il ne sut pas au bout de combien de temps son cerveau perçut de nouveau les sensations extérieures. Les doigts froids, raides, décolorés, se ranimèrent pour se crisper sur la lettre qu'il tenait. Les yeux s'abaissèrent sur la feuille entrouverte. Roger se fit violence, relut tout de suite, sentant que le courage lui manquerait plus tard pour chercher la confirmation de ce que la première et rapide lecture lui avait révélé. « Mon cher grand, que de choses ton petit frère va te dire en quelques lignes. D'abord, je reviens. Ces 2 années d'expédition lointaine me mettent en bonne posture pour l'avancement. Et le docteur estime que si je reste ici plus longtemps, je laisserai ma peau sur le continent noir. » J'aime mieux la rapporter intacte en Europe. Il y avait 10 demandes de permutation avant que ma place ne fût libre. Et je passerai, devine-nous. Eh bien, mon grand, ton petit frère passe au 66e de ligne, au vieux régiment qui, depuis tant d'années, regarde couler à la Loire au pied de la tour de Guise. Touraine infanterie. Es-tu content de voir ton petit revenir sous le toit paternel? Je te vois d'ici, étendu dans ton grand fauteuil d'osier, les ardents à l'entrée de la véranda. À peine as-tu lu ma lettre que tu bondis sur tes pieds. Tu donnes déjà des ordres. Allons, Jérôme, Clara, dépêchez-vous. La joie embrouille tes idées. Vite, un coup de brosse dans les allées, un coup de râteau dans la chambre. Mais non, mon vieux Roger, tu perds l'esprit, garde ton sang-froid pour lire ce qui suit. Ah, à propos, qu'on laisse tous mes bibelots à leur place. Ils sont bien un peu puérils, ces souvenirs de cotillon, mais j'y tiens. Et je ponctuerai ces trophées de la guerre en dentelle de quelques panoplies conquises sur les nègres les plus noirs du monde. Et pas la plus petite flèche empoisonnée. Rassure-toi, mon bon vieux bourgeois tourangeau. À présent, voici venir l'aveu. L'ai-je assez retardé? Il ne me coûte guère et pourtant j'éprouve un remords de t'avoir caché si longtemps, mon cher secret. Pendant les dernières vacances que j'ai passées en France, après ma sortie de Saint-Cyr, nous nous sommes peu vus, toi et moi. Je courais de tennis en garden party avec des camarades. Le jeune homme insouciant, un peu fou que je paraissais être, donnait son cœur tout entier et emportait au loin la certitude d'être aimé. Je n'avais pas la permission de lui écrire. Mais, cher grand frère, tu me parlais souvent d'elle et tu lui parlais de moi. Tu as tout deviné. Maintenant, ma fiancée, c'est Marie-Ange Masseret. Tu me grondes, n'est-ce pas, d'avoir gardé le silence vis-à-vis de toi, que je regardais presque comme un père. Mais je te fais une part dans mon bonheur, celle qui revient à ta vigilante affection d'aînée. Je t'en prie, mon grand, va trouver le docteur, va lui demander la main de sa nièce pour ton frère. Je suis sûr que tu en seras aussi heureux que moi. Ton petit Jacques. Roger Bresson se leva tout tremblant. Ne devait-il pas remercier la Providence que cette lettre lui fût parvenue avant qu'il eût avoué à Masseret son amour pour Marie-Ange? Mais tandis qu'il s'efforçait au sacrifice, son pauvre cœur défaillait. La lumière était plus vive, les plaques d'ombre plus noires, leurs contours plus durs. L'air surchauffé comprimait la poitrine du frère aîné. Il reprit pourtant sa route, la route du bonheur des autres, dont il devait accepter sa part, en souriant et en oubliant que lui aussi avait aimé et qu'il avait cru l'être. C'était Le chemin du bonheur par Edmond Cosse.